L'actualité à Nancy et ailleurs. La 10e édition du Forum Val-de-Lorraine Entreprendre revient le jeudi 18 avril prochain. Pour cette nouvelle édition, c'est plus de 80 exposants qui seront présents. Catherine Jagic, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Val-de-Lorraine Entreprendre et gérante de la société SE3I à Pompey. En deux, trois mots, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi ce Forum Val-de-Lorraine Entreprendre, le Forum des savoir-faire? Il y a 10 ans, les TPE de l'association se sont réunis en se posant la question et en faisant un état des lieux, en se disant que les gros industriels, les grosses entreprises du bassin, ont tous besoin d'un plus petit que soi. Du coup, on s'est unis et on a créé le forum des savoir-faire pour pouvoir mettre en avant les savoir-faire des TPE au service des grosses entreprises du bassin. Val-de-Lorraine Entreprendre, c'est une association qui a 25 ans cette année, c'est ça ? 25 ans, tout à fait, oui, créée en 99. Sur un élan de solidarité par rapport à une taxe qui avait été imposée, qui allait être imposée par la communauté de communes. Les entreprises du bassin en 99 se sont réunies entre eux et se sont dit non, il n'est pas question qu'on ait cette taxe. Ils se sont rendus compte qu'ensemble, on était plus forts. Bon, on n'a pas gagné sur ce coup-là, mais on a gagné l'union et la cohésion de toutes les entreprises du bassin. Et 25 ans après, l'association est toujours là, elle grandit aussi, vous rassemblez de plus en plus d'entreprises ? On rassemble effectivement de plus en plus d'entreprises, état de fait que le bassin se dote également de nombreuses entreprises. Aujourd'hui, le foncier est quasiment plus disponible, donc il y a de plus en plus d'entreprises et de plus en plus d'entreprises adhèrent à l'association. Et cette 10e édition du Forum Val-de-Lorraine Entreprendre, le Forum des savoir-faire, avec une thématique chaque année, avec cette année olympique, le sport va avoir sa place, il me semble. Exactement. L'année dernière fut une année blanche pour le temps de s'organiser et monter cet événement qui prend énormément de temps. Réunir 80 entreprises sur le même lieu, au même endroit, au même moment, c'est une grosse tâche. Donc on s'est dit, on fait une année blanche l'année dernière pour pouvoir faire un bel événement associé aux Jeux Olympiques. Donc le sport en entreprise est la grosse thématique de cette année. Et ça se passe à Liverdun, c'est ça ? À la salle des sports de Liverdun, bien entendu, espace Champagne. Qu'est-ce que les entreprises vont pouvoir découvrir sur place et à qui s'adresse ce forum ? Déjà, les exposants, ce ne sont que des entreprises du bassin, adhérents ou non adhérents. Donc le bassin du Val-de-Lorraine Entreprendre, le territoire du Val-de-Lorraine Entreprendre, ça reprend les 4 communautés de communes. Pompey, Pont-à-Mousson, Thiaucourt et Nomni. Donc toutes les entreprises sur ce territoire peuvent exposer. Les hors-territoires, c'est du cas par cas. C'est vraiment une association de territoires et on veut mettre en avant le territoire et on veut pas mettre en avant d'autres territoires parce que, comme je le dis, au niveau de la création, on a tous besoin d'un plus petit que soi et on veut vraiment prôner la proximité et le service de proximité. Donc ça, c'est le premier argument. Ça réunit donc des petites TPE, des grandes entreprises, des moyennes entreprises, tout corps de métier. Il n'y a pas de distinction sur un assureur, sur la grosse société qui fait des boîtes de conserve comme les brasseries champignoles. Donc on réunit de la TPE à la grosse entreprise présente sur le forum. Et ça crée des réseaux et ça crée des interactions entre ces entreprises ? Bien entendu. Déjà, le deuxième argument, c'est faut connaître son voisin. Donc c'est important, ce forum permet également de se côtoyer, de se réunir et de faire connaissance. On l'appelle vulgairement parlant la fête des voisins industriels. Voilà. Donc on réunit des industriels et des prestataires de services sur ce même lieu. Et cette thématique sportive, justement, alors c'est l'année olympique, on l'a dit, vous allez mettre en avant des sportifs de haut niveau, je crois. Comment ça va se concrétiser sur place et pourquoi vraiment cette thématique aussi ? La thématique 2024, année des Jeux Olympiques, c'était d'une évidence, mais on n'a pas voulu accentuer sur le sport uniquement. On a vraiment voulu créer un lien entre le sport et l'entreprise. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises mettent en place des activités sportives pour, l'échauffement des ouvriers qui travaillent dans les ateliers, pour mettre un petit peu de moments de détente et de ressources au sein des entreprises. Donc voilà, on a vraiment voulu argumenter et mettre en avant ces thématiques-là, le sport dans l'entreprise. Donc l'intervention de nos sportifs que nous avons invités et qui ont répondu présents auront tous une thématique sur une table ronde ou sur une conférence via leur expérience et le lien de leur sport via l'entreprise. Et il y aura même un challenge sportif, je crois aussi, hein, qui sera proposé le 18 avril. Oui, voilà, donc oui, un challenge d'aviron sur des avirons d'entraînement. Donc on aura un sportif en aviron qui, j'espère pour lui, va gagner. Il laissera gagner les autres. Donc voilà, donc on va faire ce petit challenge avec les sportifs, bien entendu, mais également avec les chefs d'entreprise présents au niveau des exposants, mais également seront invités les visiteurs qui seront présents à ce moment-là. Donc le challenge aura lieu toute la journée et à l'issue de chaque table ronde de chaque sportif. Voilà, on le voit bien, ça sera quand même dans une ambiance très, très conviviale. Il y a encore de la place pour des entreprises du secteur pour s'inscrire. En termes d'exposants, ça commence un petit peu à être serré. On a validé le plan hier, il reste une ou deux places en termes d'exposants. Donc, par contre, l'exposant, je le rappelle, ne peut être que sur le territoire. Par contre, les visiteurs, c'est comme vous voulez. Venez nous rencontrer, venez à l'encontre des entreprises industrielles, TPE, PME et grandes entreprises du bassin du Val-de-Lorraine Entreprendre. Venez à la rencontre des sportifs et venez comprendre un petit peu l'expérience du sportif redondant sur l'entreprise. Juste une ou deux thématiques. On aura un sportif qui va témoigner sur sa reconversion, donc comment il fait tout en étant sportif de haut niveau l'après-carrière sportive. Donc il va retour à l'école, retour en formation, donc c'est tout un travail que le sportif de haut niveau doit mettre en place. Une autre thématique, c'est celui qui est salarié d'une entreprise et qui fait des championnats du monde. Mmh. Donc comment l'entreprise aménage son emploi du temps, comment le sportif prend du temps sur lui pour être bon dans son métier et être bon sur son activité sportive. Donc voilà, donc on a vraiment ciblé des thématiques associées l'entreprise et le sport. La 10e édition du Forum Val-de-Lorraine Entreprendre, c'est le jeudi 18 avril, c'est de 11h à 19h à l'espace Loisirs Champagne de Liverdun. Une 10e édition pour les 25 ans de l'association aussi Val-de-Lorraine Entreprendre. Il y a déjà des choses pour marquer un peu ce 25e anniversaire, si ce n'est cette année, peut-être plus tard. Ce forum sera clôturé par une soirée de gala, donc c'est déjà un premier événement. Donc, effectivement, oui. Soirée de gala avec les exposants et toute personne qui souhaite également venir. Et puis sur le deuxième semestre, effectivement, des événements plus restreints au sein de l'entreprise et au sein de l'association où on veut encore fédérer les entreprises entre elles par le biais d'événements sportifs. On reste toujours sur cette année 2024 sur des événements sportifs, voilà, où on va recréer encore du lien sur d'autres événements plus restreints entre nous. Pour suivre l'actualité de l'association Val-de-Lorraine Entreprendre, il y a une page Facebook, il y a un site internet, on tape simplement dans un moteur de recherche Val-de-Lorraine Entreprendre et on trouvera très facilement. On a également une page LinkedIn sur laquelle vous pouvez avoir tous les événements sur ce forum et sur tous les événements de l'association et un lien pour pouvoir vous inscrire pour nous rendre visite ce 18 avril de 11h à 19h. Merci beaucoup Catherine Jagy. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.